dis la vérité. Pourquoi cette humilité? Il est notre sauveur. Pourquoi cette humilité? Parce qu'il parle de Jésus. Pourquoi cette humilité? Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance. Jésus est élevé comme Seigneur et Sauveur pour donner au monde le pardon de péché. Dieu l'a élevé à sa droite comme un prince et sauveur pour donner à Israël la repentance. Jésus est élevé comme Seigneur et Sauveur pour donner au monde les pardons de péché. Élevons nos mains, nos cœurs et nos voix. Tous ensemble prions, tous ensemble disons: Seigneur du ciel et de la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, tu as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, bon serviteur David, pourquoi ce tumulte? Seigneur du ciel et de la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, tu as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte? Pourquoi? Pourquoi? Il se soulève, il se ligue contre les oignes de l'Éternel. Oula! Il est notre sauveur. Pourquoi vont venir nos pensées? Mauvais nos pensées. Contraire Jésus-Christ. Contre l'Éternel. Il parle de la foi. Envers les pasteurs. Il a la vérité. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi vous vous liguez? Mauvais nos pensées. Il guérit les malades. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi vos veines, nos pensées? Mauvaises nos pensées. Pourquoi vous vous liguez contre l'Éternel? Pourquoi ce tumulte? Envers les pasteurs. Il guérit les